spinam na prosto. Francuski rap, bratko, słuchaj. Nam ça vous déplaît, j'pense pas dans ce cas à vous déplaire, à vous déplaire. Comme Hemglou c'est le même crew, c'est prosto. Comme Soku, j'rappe pas comme beaucoup, c'est costaud. Ça va chier chez vous, dépêchez-vous, j'vais vous sécher. Sachez que c'est l'hosto, comme Pono ou Fou, j'donne trop de coups. De Paris à Valchard, j'te parie que t'as de gal save. Quand j'pose à ma manière, ça a trop de goût. À la Yetker, ton jojose va derrière nous. T'as cherché, t'as trouvé, t'es perché, va trouver. J'vais trouver, t'éprouver, t'étouffer. J'rappe as, rapace comme Coras ou Yuras. J'ramasse pas de lové jusqu'en masse. Va pas chanter, t'es foutu. J'pue le coup de grâce à ta santé. Kamas, Nas, Drovier. Déterminé, vénère et miné. Vrai gars, prêt à t'exterminer. Internationaux, on fait des dégâts. Interne, t'as de vocaux, trop plein de nerfs faire. Déterminé, vénère et miné. Vrai gars, prêt à t'exterminer. Internationaux, on fait des dégâts. Interne, t'as de vocaux, trop plein de nerfs.